passer envers ces fils d'eux qui veulent nous voir régresser pour percer. Pas besoin de biseux, le rap est ma prise, conscient, ma crise, bon sang. Pendant que les bourges nous méprisent, je guise mes mots et vise le non-sens. Des MC qui se déguisent pour le bise, et confondent les marchands qui misent des grosses mises, et confiant jusqu'à ce qu'ils te brisent et maîtrisent ta conscience. Criseux, quand on pense nous voir, car le gouvernement nous pine, nous classe par classe, y'a pas assez de place, on trime. Accès bloqué au luxe, on tasse à la vie de palace, on rime. C'est l'origine de nos crimes, poison. Cache des grâces, que t'aimes ou pas, la parole est ouverte pour faire bouger les peuples, pour faire bouger les têtes, pour faire soulever les peuples et pour faire sauter des têtes. Poison. Cache te casse, que t'aimes ou pas, les tâches niquent sa race. Brûlons et pillons avec la gueule couverte, brûlons les illusions comme bombes. Jamais se soumettre, remettre une nouvelle optique, remettre une nouvelle ordre. Venu pour voir leur tête au bout des gorges. Je te fume, de plus comme une boulette avec ma honte. Accroche-toi si ça dérape quand je rappe le désordre. C'est bien la prise de la Bastille. On va vous péter la Bastille, on va y poster que la rage écrit sur nos post-it. Dites l'état et leur taxi à ma pétard et des bâtons. Le vent n'ont que mes métiers sortent les rageurs de leur balcon. Arrêtons de nous plaître, il est temps que nous démarchions. Des remplaçons la vie des bourgeois, comme c'est des maçons. Ma maman s'accroche les matons, à coups de matraque et dragon. Tous ceux qui font les mal, comme ces fils de pute de patron. On a plus de temps à perdre, plus rien à perdre comme des cerfs. On fait se sortir de la merde et foutre la merde que ça leur serve. Congés des cocktails, molotov sur les fausses boîtes des guéris. Comment ne venir vers mon aide. Cannabis et des pousses au cri. Les vrais criminels sont ceux qui laissent mourir le peuple. Libérons nos prisonniers avant que la mort nous dépeuple. Qu'on place leurs ministres, qu'on porte chez nos frères à la recette. Qu'on mette que des SDF dans leur soirée de GC. Je veux forcer d'exploser de corsier par nos épeuves. Pas le temps de poser de déposer un dossier. Frissons, frissons, pistons, pistons. Des pistons, pistons, tout à l'attaque des pitons. Trop de haine sur l'État, pas de paix. Font un tas sur les veines pour l'État. Pour transférer la vendetta. Révolution, révolution, révolution, révolution.